valise à fleurs. Mais pas si cool que ça, champion des grosses bavures, aucun trucage. C'est pas les cours de catch, j'y joue les hippies. Mais c'est un flic, aime pas les étrangers. C'est typique, week-end en famille, ça joue les mecs branchés. Mallette noire, imagine un 4 sup, nouveau dans sa boîte et dans son crâne, déjà plein de cassures. Sa vie c'est son travail c'est sa vie. Sinon y'a un grand vide, licenciement et sa famille chavire. Sac militaire, profil de victime, c'est que du vent. Rien qui s'invente, un passé de viking. Il rêve de schlasse, de flingue et bien plus encore. C'est juste un lâche, refusé par l'armée car il est nul en sport. Valise de haute couture, il touche le RSA, tout part dans les sapes. Il veut faire propre là où même l'air est sale. Au niveau du taf, que des airballs. Vouloir ressembler aux riches, au final ça lui donne l'air pauvre. Je le reconnais, à la valise, son pas très net. J'analyse, montre-moi tes bagages, je te dirai qui tu es. Tes bagages, je te dirai qui tu es. Je les reconnais, à la valise, sont pas très nets. J'analyse, montre-moi tes bagages, je te dirai qui tu es. Tes bagages, je te dirai qui tu es. Une valise usée, putain de millionnaire, un qui met des douilles, mais dans la foule, a l'air d'un type honnête, cultivé, écolo, excentrique, tout pour plaire, mais je me méfie de ceux qui jouent les gentils. Un sac plein d'écussons. Il aime les groupes de rock, l'impression d'être solo. Quand ses potos parlent de la coupe d'Europe, on le traite de zombie, c'est la bête noire dans toute la commune. Il regrette un passé, une époque qu'il a pas connue. Ils mourront tous, leur trajet je les connais bien. Je sais ce qu'il y a dans les valises de ces comédiens. Voyageurs, avec ou sans bifton, monde hypocrite, leur bagage en disent long. Je les reconnais, à la valise, sont pas très nets. J'analyse, montre-moi tes bagages, je te dirai qui tu es. Tes bagages, je te dirai qui tu es. Je les reconnais, à la valise, sont pas très nets. J'analyse, montre-moi tes bagages, je te dirai qui tu es. Tes bagages, je te dirai qui tu es.